je vous confirme que si, hein. Elle est bien chez le légiste et elle a été formellement identifiée par tous les témoins. Vous êtes en train de craquer ou quoi ?